ce mardi à Assemblage Requis. On est de retour du long congé avec Simon Fitzbay et ses mythes du rock'n'roll. On parle plein air avec Émilie Gauthier. Tout ça en plus des nouveautés musicales et de la chronique technologique CNX. Assemblage Requis, mardi 15h.